personne pas décroché. Téléphone crié, personne pas décroché. M'en des a qui vivent, m'en des a qui passent comme ça. Pas même sa vessie, des mères qui vivent. Téléphone sonné, personne pas décroché. Téléphone crié, personne pas décroché. M'en des a qui vivent, m'en des a qui passent comme ça. Pas même sa vessie, des mères qui vivent. Laissez-moi parler, Marico.